Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment sortir de la galère. J'ai beaucoup de personnes qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui me disent: Damien, je suis embêté, je suis en galère, je suis tombé bas. Et en fait, après, quand je commence à discuter avec elles, à leur faire un coaching, à prendre connaissance de leur stratégie, je m'aperçois qu'il y a plein de postes qui pourraient optimiser pour sortir de cette galère au plus vite et passer à l'action dans l'investissement immobilier, pour devenir des investisseurs rentables et vraiment passer à la vitesse supérieure et faire des choses qui vont kiffer dans la vie. Avant de rentrer en détail sur comment sortir des galères d'argent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre la team Esprit Gagnant. Donc, ça va être assez simple parce que à chaque fois, je reçois des messages qui sont à peu près pareils. Des gens qui veulent vraiment se sortir, qui sont motivés par se sortir, mais qui sont tellement la tête dans le guidon. Tu es tellement la tête dans le guidon dans ton quotidien. C'est-à-dire, tu es au 10 du mois, tu es déjà dans le découvert. Et tous les mois, c'est pareil. Tous les mois, c'est pareil. Et tu t'aperçois pas qu'en fait, si jamais, ok, c'est galère. C'est insupportable d'être à la fin du mois à moins 700 euros, moins 800 euros, moins 1000 euros. Mais si tu commences pas par réduire ce montant de 50 euros, de 30 euros, de 70 euros, ben, tu vas jamais arriver à réduire jusqu'à 1000 euros. Et en fait, je crois que des fois, tu es omnibulé par ces 1000 euros, par le découvert, par le fait que de toute façon, tous les mois, c'est pareil. Tous les mois, c'est la galère. La vie, c'est la galère. Et je m'en sors pas. Qu'en fait, tu oublies qu'il faut l'effet cumulé. Je parle souvent d'effet cumulé dans les actifs. Tu as un actif, plus un actif, plus un actif. Ça rapporte de l'argent, qui rapporte de l'argent, qui rapporte de l'argent, etc. Mais c'est pareil avec le découvert. Tu peux faire exactement la même chose. Tu vas mettre en place une réduction de 50 euros qui va te permettre de payer moins de frais de découvert. Donc, de descendre ton découvert. Et le mois d'après, tu vas mettre 50 euros supplémentaires parce que tu vas trouver quelque chose de supplémentaire pour réduire ton découvert. Et tu vas baisser encore ton découvert, etc. Tu fais un effet cumulé qui va te permettre de limiter ton découvert, de retrouver une situation stable, de reprendre de l'oxygène. Ça, c'est super important. Tu es capable de le faire. Si tu me regardes, c'est que tu es capable de le faire. C'est que tu es curieux, que tu as envie réellement de t'en sortir et tu vas, dans ces cas-là, t'en sortir. Numéro 1, je suis désolé, il faut arrêter les crédits à la conso. Si tu en as encore, il va falloir les solder au plus vite. Quitte à ce que tu mettes des choses que tu vends, tu regardes dans ta garde-robe, tu regardes dans les jeux de tes enfants, tu essayes de réduire au maximum pour vendre tout ce que tu peux et couper ces fucking, excuse-moi l'expression, mais ces fucking crédits à la consommation. C'est ce qu'on appelle des produits toxiques, c'est des choses qui vont te polluer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu peux pas vivre avec ça et je suis désolé. Tu dois rien acheter par un crédit à la consommation. Un canapé, une télé, des produits comme ça on ne s'achète pas par un crédit à la consommation. On les achète si on a l'argent, sinon on attend. Maintenant, franchement, il y a plein de choses qui permettent de payer moins cher. On est un peu moins exigeant pendant un moment et derrière, on va sortir. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'au lieu d'être dans la galère, mais d'essayer d'avoir deux, trois petits moments sympas, il vaut mieux s'enfermer en prison pendant 6 mois, rien faire, tout stopper, se mettre une bulle hermétique pour sortir de la situation en 6 mois, top chrono, plutôt que être dans la galère, mais bon, c'est pas grave, du coup, t'es tellement dans la galère, tellement c'est pas grave s'il y a 50 euros de plus, 100 euros de plus qui sortent. Non, il vaut mieux. Et du coup, ça va mettre des années et des années à remonter. Donc, tu te mets 6 mois en situation vraiment où c'est hermétique, il n'y a rien qui passe. Et c'est là que tu vas arriver à t'en sortir. C'est pareil, arrête le gaspillage. Moi, je vois des personnes qui ont moins de revenus, c'est ceux qui gaspillent le plus. Arrête d'acheter ce dont tu n'as pas besoin. Stop, stop la consommation. On est dans une société de consommation, mais tu n'as pas besoin, n'achète pas. Comment, si tu gagnes 1000 euros par mois, tu peux avoir un iPhone à 1200 euros? Comment c'est possible? Fais en sorte de gagner plus et après tu paieras l'iPhone. Mais pour l'instant, n'achète pas un truc que tu peux pas, que tu n'as pas en fait les moyens de l'avoir. Et ça, c'est juste la satisfaction immédiate de dire c'est pas grave, je suis en galère, au moins je me fais plaisir, je m'achète un truc. Mais non, te fais pas plaisir pendant une petite période, serre-toi la ceinture pendant une petite période, et derrière tu vas pouvoir te faire de grands plaisirs parce que tu vas avoir des actifs qui vont travailler pour toi. Là, souvent à ça, j'ai la réponse qui dit ouais, mais j'en ai marre de pas me faire plaisir. Non, c'est faux, t'es pas assez exigeant envers toi-même. Et à chaque fois que j'ai des gens en coaching là-dessus, c'est le même truc. Je regarde, en 1 heure de coaching, je suis capable d'optimiser leur revenu et au moins de faire une diminution de 100 à 150 euros par mois. Minimum, c'est parce que vous allez pas, tu vas pas au bout des choses. Parce que tu as la tête dans le guidon, parce que tu n'y arrives pas. Troisième point qui est super important, c'est qu'il va falloir que tu sélectionnes les gens autour de toi, ton entourage. C'est que si tu arrives dans une situation où tu es en galère tous les mois, peut-être, c'est pas une obligation, mais peut-être que tu es entouré de personnes qui sont pas forcément, qui ont pas forcément une bonne, un bon mindset, un bon état d'esprit et qui sont pas forcément positifs pour toi. Et du coup, ben, si on t'appelle et qu'on dit bah, est-ce que tu achètes le nouveau jeu PS4, il est génial et tout, t'as pas l'argent pour l'acheter, mais tu es motivé parce que la personne à côté, elle veut l'acheter. Bim, tu vas aller l'acheter et tu vas claquer, je sais pas combien c'est, je crois que c'est 80 euros un jeu. Tu vas acheter par exemple un jeu à 80 euros alors que tu n'as pas les moyens de le faire. Ou tu vas faire une sortie en boîte de nuit où tu vas aller boire des coups à 8 euros la bière, tu vas payer 40 euros tes coups. Ouais, je connais des gens comme ça, ils sont jusqu'à la séparation parce qu'ils se payaient des coups, parce qu'ils sortaient le vendredi soir, ils se payaient des coups à boire, mais ils partaient plus à vacances, ils ont laissé leur couple éclater. Tu vois, il faut, c'est pas facile ce que je te dis, mais il faut avoir cet état d'esprit pour remonter à la surface. Et suis exactement ce que je viens de te dire. Tu vas remonter à la surface et derrière, tu vas réellement travailler avec des actifs. Et ces actifs, ils vont te permettre de te rémunérer à ta juste valeur, de te donner de l'argent. Et cet argent, tu vas pouvoir le dépenser et kiffer enfin la vie réellement. Un dernier point super important, il va falloir que tu trouves une source de revenus complémentaire par mois. Que ce soit 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, ce que tu veux. Mais tu dois te mettre, voilà, une source minimum de revenus complémentaire par mois, en plus de ce que tu as. Donc si aujourd'hui tu gagnes 1500 euros et que tu as découvert de 700 euros par mois, tu as bien compris que tu avais besoin de 700 euros de plus pour être à l'équilibre. Sur les 700 euros, je suis persuadé qu'on peut optimiser déjà 200 euros sur des choses qui sont pas bien optimisées. Au moins 200 euros. Donc on va dire il va rester 500 euros. 500 euros, tu vas les créer par des revenus complémentaires. Tu te débrouilles. Moi, aujourd'hui, j'ai ma voiture qui roule et je suis pas dedans. J'ai pas besoin de cet argent. Mais par contre, j'ai un mindset de multiplier les sources de revenus différents. Si je peux faire 500 euros par mois avec ma voiture, pourquoi pas les faire? Moi, je fais 500 euros là, par mois avec ma voiture. Tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai besoin de ma voiture, etc. Bien sûr, moi aussi, j'ai besoin de ma voiture des fois. Et ben, je roule en. Par exemple, la dernière fois, j'ai loué ma voiture, j'ai gagné, je crois, 80 euros. Je ne sais même pas combien je gagne parce que c'est plus le mindset qui m'intéresse, la logique du truc, que réellement les 70 euros et 80 euros que je vais gagner. Mais. Derrière, j'ai gagné 70 euros et j'ai dépensé, parce que je devais aller quelque part, j'ai dépensé 8 euros en taxi. Tu vois? C'est pas grave. Je n'allais pas bloquer ma voiture alors que je pouvais faire quelque chose différemment. Il faut sortir. Il faut prendre un peu de hauteur sur ta situation et voir. Tu dois mettre en place un revenu complémentaire tous les mois, un revenu différent. Alors, ça peut être le mois 1, tu commences à vendre des choses d'occasion que tu as chez toi. Tu vides ton armoire et tu commences à sortir des vêtements et à gagner 50 euros, 70 euros. Maintenant, avec le bon coin, avec les sites sur internet, tu n'as pas besoin d'aller rester toute une journée sur une brocante. Tu n'as pas besoin. Mais tu fais ça tous les mois. Tu rajoutes une source de revenus complémentaire qui va à la fin faire la première 50 euros. La deuxième, tu auras la première à 50 euros et tu auras une deuxième à 50 euros. Ça fera 100 euros, etc. à la troisième. Et tu vas monter et tu vas sortir un petit peu la tête. Et tu vas arriver à sortir de cette galère qui te bouffe. Cette galère te bouffe. Et toi, à côté de ça, tu vois des gens qui investissent, tu vois des gens qui te parlent et qui arrive à partir en vacances, à faire plein de choses, tu as envie de le faire. Si tu vois des vidéos comme ça, c'est que je te fais confiance, je te dis bravo à toi de voir des vidéos comme ça, parce que dans ta situation, je ne sais pas si moi, j'aurais le courage de regarder des vidéos comme ça. Donc tu as ce courage de regarder des vidéos inspirantes, des vidéos qui vont te permettre de sortir de la situation. Donc vas-y, fais-le. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like. Si tu veux que je continue à faire des vidéos sur cette thématique, mets-le moi dans les commentaires, envoie-moi un message, ça fait plaisir. Et tu me dis, Damien, continue à nous donner des pépites parce que je suis en galère et j'ai vraiment envie de m'en sortir. Maintenant, si tu veux aller plus loin, contacte-moi sur mon Messenger de ma page Facebook Esprit Gagnant. Envoie-moi un message sur damien@esprit-gagnant.com. Je réponds à tous les messages. Dis-moi ta situation, on peut toujours trouver des solutions, il y a aucun problème. Moi, je veux que les gens soient épanouis, que les gens kiffent la vie parce que la vie, elle n'est pas si longue que ça, on n'est que le passage. Et autant kiffer notre passage ici et avoir une belle existence. Partage cette vidéo en tout cas à des amis que tu sais aussi être en difficulté pour leur donner mon mindset, mon état d'esprit qui va te permettre de sortir de la galère, j'en suis certain. Laisse-moi un commentaire et surtout mets en place ce que je viens de te dire, mets-le en place tout de suite dès que tu quittes cette vidéo, je t'encourage à le mettre en place. D'ici la prochaine vidéo en tout cas, je te dis porte-toi bien, voilà, passe à l'action, kiffe, essaye de garder du positif et de kiffer la vie parce qu'il y a toujours des moments bons à prendre. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!